Le combat homérique, écrit par Charles-Marie le Comte de Lille, lu par Armène pour audiocité.net. De même qu'au soleil l'horrible essaim des mouches, des taureaux égorgés couvre les cuirs velus, un tourbillon guerrier de peuple chevelu hors des nefs s'épaissit, plein de clameurs farouches. Tout roule et se confond, souffle rauque des bouches, bruit des coups, les vivants et ceux qui ne sont plus. Chars vides, étalons cabrés, flux et reflux des boucliers d'airain hérissés d'éclairs louches. Les reptiles tordus au front, les yeux ardents, la boyeuse gorgo vole et grince des dents par la plaine où le sang exhale ses buées. Zeus sur le pavé d'or se lève furieux, et voici que la troupe héroïque des dieux bondit dans le combat du fait des nuées.